السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Voici la troisième partie du cours intitulé عالم الجن, le monde des djinns. Ce monde qui a été mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce monde qui a été mentionné dans la sunna de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ce monde auquel l'ensemble des gens s'intéressent, mais qui tantôt est mentionné en toute vérité en se basant sur la révélation, et tantôt est mentionné faussement. Et tantôt est mentionné faussement, car les gens répètent, ou des gens répètent ce qu'ils ont entendu, car des gens répètent ce qu'ils ont lu ici et là. Hier, c'était la deuxième partie. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons étudié le fait qu'Allah Azza wa Jal avait donné certaines capacités aux djinns, aux shayatins, que d'un point de vue, ils avaient une force et une capacité, mais d'un autre, ils avaient une faiblesse, particulièrement face aux croyants, particulièrement face aux monothéistes parmi les gens. Ainsi, celui qui souhaite ne pas donner d'emprise sur lui au diable se doit de renforcer son tawhid, sa foi, sa connaissance d'Allah Azza wa Jal, son adoration, son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également vu que l'inimitié du diable à l'égard du fils de Adam était très sévère et durable dans le temps, et que c'était une haine et une véhémence très ancienne, avant même que notre père Adam alayhi salam est son âme à l'intérieur de lui. Puis, lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonna aux anges, et Iblis était élevé aux cieux avec eux, ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, là, Iblis atteignit le paroxysme de la jalousie. Il se gonfla d'orgueil, refusa de se prosterner devant notre père Adam, désobéit à son Seigneur, ce qui lui valut de se faire virer des cieux, damné et inscrit à tout jamais en enfer, iyadan billah. Il devint ainsi l'imam des gens du faux, l'imam des polythéistes, l'imam du mal, prêchant un feu ardent, et là est son but ultime. Là est son but ultime, faire en sorte que les gens soient avec lui parmi les gens de la fournaise, parmi les résidents de la fournaise. Nous avons également mentionné que chez les djinns, il y avait des croyants et il y avait leur contraire. Il y avait des pieux et il y avait leur contraire. Il y a même des gens sur la sunna et des gens sur la bid'a. Aujourd'hui ou ce soir, après avoir parlé de la grande haine, de la haine profonde du shaytan à l'égard du fils de Adam, des différentes nuisances corporelles, des différentes nuisances financières et dans les biens, dans les proches, que Shaytan pouvait avoir, nous allons parler ce soir des nuisances du Shaytan durant le sommeil du fils de Adam. Durant le sommeil du fils de Adam. Avant ça, un hadith que je n'avais pas pensé ou bien que j'avais omis de mentionner, ou plus précisément auquel j'ai pensé qu'aujourd'hui, Pour ajouter à la liste des nuisances corporelles du shaitan, il y a la nuisance infligée à tout nouveau-né. La nuisance infligée à tout nouveau-né. Comme nous le mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salat wa sallam nous dit qu'il n'y a pas un nouveau-né qui naît sans que le diable lui mette un coup avec son doigt. Exception faite de Isa alayhi salam et de sa mère. Exception faite de Isa alayhi salam et de sa mère. Donc voici un autre point qui nous montre que le diable agresse ou tente d'agresser le fils de Adam et ne lui laisse aucun répit dès sa naissance. Ce combat a un instigateur qui n'est autre que Iblis lui-même. Il met son trône sur l'eau. Et il envoie ses délégations et ses suppôts afin de semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'il envoie ses délégations. فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. Et le plus grand d'entre eux, ou le plus proche de lui parmi eux, sera celui qui aura semé le plus grand trouble. يجيء أحدهم يقول ما زلت بفلان حتى تركه. Il dit, je n'ai cessé d'être auprès d'un tel jusqu'à me séparer de lui. Il le fait tomber dans des péchés, puis il s'est séparé de lui. Iblis lui répond, La wallah, ma sana'ta shay'an. Non, par Allah, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, ça n'est pas assez, ou bien elle va se repentir par la suite. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. Un autre parmi les shayatins lui vient et lui dit, quant à moi, je n'ai cessé de rester auprès d'un tel jusqu'à ce qu'il divorça son épouse. Je n'ai cessé d'être auprès d'eux jusqu'à séparer entre lui et sa famille. قال فيقربه À ce moment-là, Shaytan le rapproche de lui accorde une place préférentielle et lui dit, quelle bonne personne es-tu donc? Quelle bonne personne tu es? Voici l'instigateur. Voici l'imam des gens du feu. Iblis lui-même qui envoie ses délégations afin de semer la corruption sur la terre d'Allah Azza wa Jal, afin de semer le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce diable ne t'a pas laissé de répit alors que tu étais réveillé. Penses-tu qu'il te laissera du répit alors que tu es endormi? Ce diable ne t'a pas laissé de répit alors que tu étais endormi. Penses-tu qu'il t'en laissera? Penses-tu qu'il t'en laissera maintenant que tu es endormi. Et là est l'objet de cette parole. Et Shaitan va tout faire pour t'atteindre dans ton âme, dans ton cœur et dans ton corps durant ton sommeil, durant ta nuit. Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدة وإن صلى انحلت عقدة وأصبح نشيطا طيب النفس فإلا أصبح خبيث النفس كسلان رواه الشيخان. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahmatullah alayhima rapportent que Abu Huraira radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous s'endort, le diable fait 3 nœuds derrière sa tête en disant sur chacun d'eux, que ta nuit soit longue, dors. S'il se réveille entre-temps, ou bien s'il se réveille et évoque Allah, l'un de ses nœuds se délie. S'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et s'il prie, les 3 nœuds se délient tous. Ainsi, il se réveille plein d'énergie, de bonne humeur. Sinon, il sera de mauvaise humeur et plein de paresse. Et plein de paresse. Ce hadith nous montre les nuisances que tente le diable durant le sommeil du fils de Adam. Il ne lui laisse aucun répit. Il tente de l'alourdir, de l'affaiblir, de le distraire de la prière de nuit et du fajr, tout particulièrement. Car comme nous l'avons déjà vu, son combat est bien plus général que cela. Il se place face à chacune des bonnes œuvres. Un second hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان بيت على خيشومه رواه البخاري ومسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Huraira dans le recueil de Bukhari et Muslim, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu an, lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il se mouche à 3 reprises, c'est-à-dire qu'il mette de l'eau dans ses narines et fasse ressortir cette eau en rejetant de l'air de ses narines, car le diable dort sur ses narines ou dans ses narines, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Al-Qadhi, Iyad rahimahullah ta'ala, dit, car les narines sont l'endroit où il peut y avoir des saletés. D'autres parmi les savants ont dit, car le diable saisit cette occasion pour entrer et sortir, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration du serviteur. Il rentre avec l'air et il ressort avec l'air. Quoi qu'il en soit, c'est une information authentique émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une information authentique émanant du prophète alayhi salat wa salam. Donc on y croit. Donc on y croit. Le diable tente de nous alourdir, tente de nous nuire. Et notre remède réside dans le fait de se cramponner à la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Un troisième hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلته حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit parler d'un homme qui dormit toute la nuit, ou qui dorma toute la nuit jusqu'à se réveiller au matin. Il dit donc sallallahu alayhi wa sallam: voici un homme dont le diable a uriné dans les oreilles. Voici un homme dont le diable a uriné dans les oreilles. Des savants ont dit: l'oreille a été spécifiée car c'est mahallul intibah, car c'est le sens par lequel l'attention est prise, est attirée. Avec l'oreille, tu entendras el-adhan, avec l'oreille, tu entendras le réveil, et ainsi de suite. Tout cela pour obstruer le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal et son agrément. Pour t'éloigner de cette salat, pour t'éloigner du rappel d'Allah Azza wa Jal. À travers l'âme de la personne, le cœur de la personne, les insufflations sataniques, le diable tente de nous mettre en déroute. Et que d'hommes sont tombés dans le polythéisme suite à un rêve dans lequel s'est infiltré le diable et lui a susurré, suggéré, insufflé des mauvaises choses que lui a pris pour une révélation et pour une guidée. Combien d'hommes sont tombés dans le polythéisme, dans l'innovation, à cause de la venue du diable dans leurs rêves, ou d'un djinn qui lui fait voir qu'il est un prophète ou qu'il est un ange, et qui lui dit: fais ceci et fais cela, tu gagneras ceci et cela. Fais ceci et fais cela, tu obtiendras l'agrément d'Allah. Il leur ordonne ce qu'Allah a rendu illicite. Il leur interdit ce qu'Allah a rendu licite. Et ces derniers se voient abusés et suivent ces préceptes sataniques. Ils obéissent au diable et s'égarent ainsi. Et comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et souvent les ignorants se font duper ainsi. Donc parmi les armes du diable et parmi ces moyens utilisés, il y a la vision nocturne, le cauchemar. Le cauchemar. Il te vient ou il vient pour te déranger, te perturber, t'effrayer, te distraire de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Abu Salama, Ibn Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhuma nous dit « Kuntu ara ru'a » Je voyais des choses en songe. « U'ra minha » Elles me déstabilisaient ou m'effrayaient. « Faji'tu ila Abi Qatada radiallahu anhu al-Ansari » Je me suis donc rendu auprès de Abu Qatada. « Fadhakartu lahu dhalik » Je lui ai alors mentionné mon problème. فقال لي ألا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ Il me répondit, ne vais-je pas t'informer d'un récit prophétique à ce sujet? Je répondis, bien sûr. قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شمالي ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره رواه مسلم. Quel est ce trésor, quel est ce cadeau, quel est ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Le bon rêve, la vision pieuse provient d'Allah. Le cauchemar du diable. Ainsi, quiconque voit en songe une chose qu'il réprouve ou déteste, qu'il poustillonne, en émettant donc un peu de souffle et un minimum de salive, à sa gauche, à trois reprises, et qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le diable, c'est-à-dire qu'il dise « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Ainsi, ça ne lui nuira en rien. Celui qui observe ses préceptes prophétiques sera protégé par Allah. Et ce songe, ce cauchemar, ne l'affectera en rien. Abu Salama nous dit que des suites de ce hadith, il a tiré énormément de bénéfices, d'utilité. Ça lui a été extrêmement profitable. Voici la maladie et voici le remède dans la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Donc tu vois que le diable ne te laisse pas tranquille, ni même durant le sommeil. Le hadith suivant, An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhum, anna arabiyan jaila nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, inni qad ra'aytu fil manam, أن رأسي قطع وأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم. Un bédouin est venu voir le prophète alayhi salat wa salam et lui a dit: je me suis vu en rêve la tête coupée. Je me suis vu en rêve, on me coupait la tête ou bien la tête coupée. Et je suivais ma tête. Sa tête roulait, avançait et il suivait sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé. Et il l'a averti contre le diable dans son rêve. Et il lui a dit de ne pas suivre le jeu du diable avec lui. C'est-à-dire que c'est le diable qui se joue de toi. Et il lui a dit précisément, « La tukhbir bitala'ubi shaytan, bitala'ubi shaytani bika fil manam. » N'informe pas lorsque le diable se joue de toi durant ton sommeil. rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Donc le cauchemar, c'est une tentative de déstabiliser, c'est une tentative de nuisance du diable. C'est une tentative de maltraitance du diable, d'égarement du diable. Ça vient du diable. Dans le hadith de Auf ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Thalathun minha ahawil min ash-shaytan liyahzuna biha ibn Adam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y a trois types de rêves. Le premier, c'est le bon rêve, il vient d'Allah. On remercie Allah pour cela. Le deuxième, c'est dû à tes pensées. Tu penses beaucoup à une chose, alors tu vas en rêver. Hadith ou nafs. Le troisième, c'est le cauchemar, il vient du diable. Il vient du diable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit: il cherche à travers cela à attrister le fils de Adam. Rapporté par Ibn Majah. Et dans le hadith d'Abi Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Tahwifun min ash-shaytan. C'est le diable qui tente de t'effrayer. Après avoir mentionné le comportement du diable durant ton sommeil, une question que nous devons tous nous poser, c'est comment se comporter si cela nous arrive. Si on fait un cauchemar, comment devrons-nous nous comporter? Celui qui fait un cauchemar observera six comportements. Celui qui fait un cauchemar observera six comportements prophétiques. Le premier, il a comme croyance que cette vision dérangeante provient du diable. Il cherche donc refuge auprès d'Allah contre lui en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Le deuxième comportement, « Yasta'idhu billah min sharri hadhi ru'ya ». Il cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de cette vision. Comme dans le hadith de Abi Salama rapporté par l'imam Muslim rahimahullah wa radiyallahu anhu. Le troisième comportement, poustillonné à trois reprises à sa gauche en émettant de l'air, du souffle, un minimum de salive et un minimum de salive. Comme dans le hadith de Abu Qatada dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Le quatrième comportement, يتحول إلى جنبه الآخر. Le quatrième comportement, il se retourne sur son côté opposé. S'il était sur le flanc droit, il se mettra sur le flanc gauche. S'il était sur le flanc gauche, il se mettra sur le flanc droit. Comme dans le hadith d'Abi Hurayra, rapporté par Ibn Majah. Le cinquième comportement, la yuhaddithu biha ahada. Il ne relate cela à personne. Il ne raconte pas son cauchemar. Comme dans le hadith de Abi Saïd dans Al-Bukhari. Le sixième comportement, yaqumu yusalli. Il se lève et accomplit la prière, comme dans le hadith d'Abi Hurayra, rapporté par l'imam Muslim. Voici six comportements qu'on trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui les adopte se verra prémuni, préservé de son ennemi déclaré, Ash-Shaytan ar-Rajim. Je répète, celui qui fait un cauchemar devra observer ces six comportements. Reconnaître ou avoir comme conviction que ça vient du diable, alors il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour se protéger, pour se sauver, fuir vers Allah Azza wa Jal contre son ennemi déclaré. Le deuxième comportement, il cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de cette vision. A'udhu billahi min hadhihi ar-ru'ya. Le troisième comportement, il tourne sa tête à droite et fait comme ceci, trois fois, avec du souffle et un minimum de salive. Le quatrième comportement, il change de côté. S'il est allongé sur le côté droit, il se met sur le côté gauche. S'il est sur le côté gauche, il se met sur le côté droit. Il change de position. Quelle que soit sa position, il change de position. Certains savants ont dit, c'est de l'optimisme, ou bien entre dans cela, en plus de ce que nous ne savons pas, l'optimisme quant au fait qu'Allah Azza wa Jal, tout comme tu changes de position, te change ta situation, et repousse donc le mal vers le bien, la peur vers la sécurité, et ainsi de suite. Le cinquième comportement, ne raconte pas ton cauchemar, contrairement à ce que font les gens en général. Même si ça n'est pas pour expliquer le rêve, dès qu'ils font un cauchemar, ils le racontent. Plus que ça, ils en tirent des conséquences, et ça, yani, ils sont effrayés. Le diable a donc réussi avec lui. Il lui a fait peur, il lui cause peut-être un traumatisme, et il attend cela au quotidien au lieu de faire sa vie. Comme Allah le veut de lui, au quotidien, il pense à cela, il attend ce mal, il attend cet accident, il attend ce problème, ce souci. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a invité au contraire. Enfin, il se lève et prie. Il fait le contraire de ce que Shaitan veut de lui. Il se lève, il prie. Tout ce que Shaitan fait, c'est pour que tu ne pries pas. Et toi, tu fais le contraire de ce que Shaitan a voulu de toi. Je répète deux hadiths qui ont été coupés. Le premier, c'est le hadith de Jabir, rapporté par l'imam Muslim. Un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit qu'il a vu en rêve que sa tête était coupée, qu'il marchait derrière elle. Il la suivait. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a blâmé et lui a dit ne raconte pas lorsque le diable se joue de toi dans ton rêve. Le deuxième hadith, c'est celui de Auf ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du rêve et a dit sur l'un d'eux que ça vient du diable afin d'attrister le fils de Adam, apporté par Ibn Majah. Et dans l'autre hadith d'Abi Hurayra, c'est le diable qui tente de te faire peur. C'est le diable qui tente de te faire peur. Voici les attaques du diable durant la nuit du serviteur. Et voici le comportement à adopter dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous invite à revenir au cours qui mentionne le comportement lorsqu'on va se coucher. Là n'est pas notre sujet, donc je ne veux pas sortir du sujet. Mais pour se prémunir du diable en amont, il y a des comportements, revenez à l'étude de l'Kalim al-Tayyib, des bonnes paroles ou des livres sur les adhkar. Barakallahu fikum. Le deuxième volet de cette parole, de cette conférence, est « Massu shaytan il-ins », ce qu'on appelle « sar'a ». l'attaque, le bouleversement que le diable inflige à l'humain. Ce sont des attaques, des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit dans Majmou' al-Fatawa, دخول الجن في بدن الإنس ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, le fait que le génie ou le djinn puisse entrer dans le corps de l'humain est une chose avérée et affirmée selon le consensus des savants ou des imams, des gens de la sunna et de l'union. Donc cette question fait l'unanimité des suiveurs de la sunna. Pour preuve, dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المس est mentionné dans le Coran dans Sourate Al-Baqarah. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire, riba, ne se tiennent que comme se tient celui que le diable, que le toucher du diable a bouleversé. Le mess. Il s'agit ici de leur situation le jour de la résurrection. Ceux qui mangent riba, l'usure, l'intérêt usuraire, ne se tiennent que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. A bouleversé. Donc c'est mentionné dans le Coran. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été questionné à ce sujet. Il a affirmé cela et a dit que le djinn pouvait même parler sur la langue de l'humain. Prendre possession de sa langue et parler à travers elle. Le djinn peut parler sur la langue de l'humain dans des langues que cet humain ne connaît pas, ne maîtrise pas, ne comprend pas. Ibn Taymiyyah mentionne même que lors de la ruqya ou autre, la personne, on lui assène un coup violent, de sorte à ce que s'il avait été asséné à un chameau, cela l'aurait affecté grandement et l'aurait marqué. Malgré ça, l'humain ne ressent rien. Malgré ça, l'humain ne ressent rien parce qu'on a pris possession de son corps. C'est le djinn qui va subir, qui va ressentir cela. Donc, parmi les attaques, parmi les stratagèmes du diable, il y a el-mass. Et il se soigne avec el-ruqiyatu shar'iyya, comme cela fera l'objet d'un futur cours, incha'Allah ta'ala. Après avoir dit tout cela, Al-Ajab, Kullu Al-Ajab, Anna Mu'zama Bani Adam, Qadistajaba, Ou Qadistajabu, Lida'wati Shaytan, Wattakhadouhu, Waliyan, Lahum. Après tout ce que nous avons mentionné, avec le plus grand étonnement, je dis que les savants nous disent, malgré toutes ces connaissances, malgré tous ces avertissements dans le Coran, La plupart des fils de Adam ont pris leur ennemi déclaré, le Shaitan, comme allié. Ils ont répondu à son invitation. Ils marchent derrière lui, ils le suivent et répondent à son appel. Dans Sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous dit: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Il nous dit également dans Sourate An-Nisa: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Donc, on a la preuve de cette majorité qui suit le diable dans Sourate Al-Kahf. Naam, dans Sourate Al-Kahf, dans le verset 50, naam, Allah Azza wa Jal nous dit: allez-vous donc, sur la traduction des sens de ce verset, allez-vous donc le prendre lui ainsi que sa descendance en tant qu'allié en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous des ennemis? Donc, ici on nous blâme. Allah Azza wa Jal nous dit: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ لِيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et dans Sourate Saba, ou avant ça An-Nisa: et quiconque prend le diable pour allié en dehors d'Allah aura certes perdu de la plus grande des manières. Cela est certes la perte évidente. Le diable nous appelle à sortir de la lumière vers les ténèbres. Le diable nous appelle à nous éloigner d'Allah pour aller vers lui, à sortir de la sécurité pour aller vers la peur, à sortir du paradis pour aller vers l'enfer. Le diable nous appelle à sortir de l'islam, à entrer dans toutes les turpitudes. Il nous ordonne les péchés et l'injustice. Et après tout cela, il se désavouera de nous. Et s'il le peut, nous dévoilera. Et comme le dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Saba: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Iblis a vu vrai dans son opinion lorsqu'il a pensé que la plupart le suivront, si ce n'est un groupe parmi les croyants. Iblis a pensé qu'il allait réussir à égarer la plupart des fils de Adam, excepté donc une minorité parmi eux. Qui sont ces gens-là? Ce sont les gens du tawhid. Ce sont les gens de la foi. Ce sont les gens qui se cramponnent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala seul d'un culte sincère. Le point suivant: quelles sont les méthodes utilisées par le diable pour égarer le fils de Adam? Ceci est un des chapitres les plus importants, car ton ennemi qui te voit et que toi ne vois pas, et que toi, Naam, tu ne peux voir, est un ennemi extrêmement dangereux. Ceci dit, Allah Azza wa Jal, de par sa grâce et sa miséricorde, nous a donné la science nécessaire pour nous en prémunir. En effet, le diable ne vient pas sous sa vraie apparence et te dit: je suis le diable. Et tu le vois avec ses cornes et il te dit: mais crois en Allah. Commets le polythéisme, commets le vol, le crime, le désordre sur la terre. Non! Il ne dit pas fais le mal et délaisse le bien. Si ça avait été ainsi, nous ne l'aurions pas suivi. Mais il vient avec un plan étudié, un plan établi. Il vient avec un stratagème pour pouvoir tromper les gens et les duper. Et ceci fera l'objet, incha'Allah ta'ala, de la quatrième partie du cours sur le monde des djinns, qui commencera par el-waswasa, les insufflations sataniques. Qu'est-ce que cela, les insufflations sataniques? Comment est-ce que ça se manifeste? Combien y a-t-il de types? Est-ce que ça vient alors que l'homme est réveillé ou durant son sommeil? Voici ce que nous étudierons, incha'Allah ta'ala, un soir de cette semaine. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver dans ce bas monde et l'au-delà et nous accorder la place la plus haute au paradis en compagnie de notre bien-aimé Al-Mustafa. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين